et dans laquelle nous avons même entamé alamat as-sa'at al-kubra, les grands signes de la fin du monde, dans un temps et dans une époque, dans un temps et dans une époque où l'amour de la vie présente s'est installé dans le cœur des gens, où les biens matériels, les passions et les plaisirs ont pris le dessus sur le cœur des gens, où les gens ont tourné le dos à l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala et se sont plongés dans une insouciance quant à ce qui se passera dans un futur très proche, ce qui les attend lors de leur mort et ce qui surviendra après. Et aujourd'hui, ayyuha al-ikhwatul kiram, ceci est notre 28e rencontre parmi les rencontres de cette noble série. Et nous avions certes, lors de notre dernier discours, terminé nos propos et achevé nos paroles quant à l'épreuve d'Al-Masih et Dajjal, quant à la tentation d'Al-Masih et Dajjal, ainsi qu'aux moyens avec lesquels nous pourrions s'en échapper et en sortir. Et aujourd'hui, ayyuha al-ikhwa, nous avons rendez-vous avec le deuxième grand signe de la fin du monde, min alamat as-sa'at al-kubra. Des signes de la fin du monde qui nous ont été cités et énumérés par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith rapporté par l'imam muslim, selon un compagnon du nom de Hudhayfa ibn Asid al-Ghifari radiallahu anhu. Celui-ci nous dit: nous étions en train de nous faire le rappel lorsque le messager d'Allah alayhi salat wa salam nous surprit, et alors il nous demanda: de quoi vous rappelez-vous? Et alors nous lui répondîmes: nous nous rappelons de l'heure, ya Rasulallah. Ils étaient en train de se rappeler du jour du jugement dernier. Les compagnons, ayyuha al-ikhwatul kiram, as-sahabatu radiallahu anhum, passaient leur temps à se préparer à cette heure, à se préparer à ce jour, ce jour et cet événement terrible et énorme. Et c'est pourquoi Allah Jalla wa Ala a dit à leur sujet: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Ceux qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils devront retourner à leur Seigneur, ceux-là se précipitent vers les bonnes actions et sont les premiers à les accomplir. Nous nous rappelons de l'heure, ya Rasulallah. Et alors Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam leur répondit: celle-ci n'apparaîtra et celle-ci ne se lèvera que lorsqu'apparaîtront 10 signes. Et il annonça alors: Ad-Dukhan, Wad-Dajjal, Wad-Dabba, وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بالجزيرة العرب ونار تخرج من اليمن وتطرد الناس إلى محشرهم. Le prophète عليه الصلاة والسلام annonça ainsi ces 10 grands signes de la fin du monde: الدخان, la fumée, والدجال, l'apparition d'Al-Masih al-Dajjal, وَالدَّابَّةِ, et la grande bête, وَتُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا, et le lever du soleil à l'occident, وَنُزُولَ عِيسَ بْنِ مَرْيَمْ, et la descente de Isa, fils de Maryam, وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ, la sortie de Gog et Magog, وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ, et 3 tremblements de terre, خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ, un tremblement en Orient, وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ, et un tremblement en Occident, وَخَسْفٌ بِالْجَزِيرَةِ الْعَرَبِ, et un tremblement de terre dans la péninsule arabique, et le dernier grand signe de la fin du monde, وَنَارٌ, un feu, تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ, qui sortira du Yémen, وَتَتْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشِرِهِمْ, et qui chassera les gens vers le lieu de leur rassemblement. Tels sont les 10 grands signes de la fin du monde, qui ont été annoncés, qui ont été énoncés et cités et énumérés par la meilleure des créatures, alayhi salatu wassalam. Et comme nous avions dit lors de notre dernier discours, ils ont été énoncés dans un ordre différent de leur déroulement. Et certes, il y a plusieurs hadiths qui ont été rapportés, et les savants ont dit, et nous avons déjà évoqué cela, l'ordre avec lequel surviendront les grands signes de la fin du monde, et ils se sont rassemblés et réunis, et ils sont unanimes pour dire que le premier signe de la fin du monde n'est autre que Zuhur al-Masih al-Dajjal, l'apparition d'Al-Masih al-Dajjal, puis descendra Isa ibn Maryam. Descendra Isa, fils de Maryam. Et tel est le deuxième grand signe de la fin du monde. Et malheureusement, il y a beaucoup de frères parmi nous, si ce n'est la plupart, qui se posent la même question. Est-ce que Isa descendra véritablement? Car beaucoup de gens pensent que cette histoire n'est qu'un mythe et une légende. Et ils se demandent et ils se disent, Isa descendra-t-il véritablement? Ou bien est-il mort? Ou bien est-il vivant? Et s'il est vivant, où il se trouve? Et lorsqu'il descendra, quelles sont ses caractéristiques physiques? Et comment tuera-t-il Al-Masih Ad-Dajjal? Eh bien, la réponse à toutes ces questions, ayol ikhwa, n'est autre que l'objet de notre rencontre bi-idhnillahi azza wa jal. Et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala an yarzuqana at-tawfiq wal-ikhlas wa-s-sawab fil-qawli wal-amal. Nous lui demandons qu'il nous accorde la sincérité et la vérité dans nos paroles et nos actions, ainsi que son soutien. Innahu waliyu dhalika wal-qadiru alayh. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Ayol al-ikhwa tul-kiram. Awalan, premièrement, avant de répondre à notre première question, nous désirerions vous rappeler notre aqida, notre croyance profonde, notre dogme et notre opinion, nous musulmans, quant au sujet de Isa ibn Maryam. Isa, fils de Maryam, ayyuha al-ikhwatul kiram, n'est autre qu'un serviteur d'Allah et un messager d'Allah. Et il est parmi les cinq meilleurs messagers d'Allah, tabaraka wa ta'ala, les cinq les plus nobles messagers d'Allah, jalla wa ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala a créé Isa ibn Maryam à partir de sa mère Maryam la pure, sans aucun père. Et ce, afin de prouver à l'humanité entière et afin de justifier la perfection de son pouvoir, de sa capacité tabaraka wa ta'ala, kamala qudrati. Ainsi, il a créé Isa ibn Maryam sans aucun père. Et ce, pour en faire un signe pour les gens, et pour en faire un miracle évident, et un prodige grandiose pour toute l'humanité entière. Alors, ayyuha al-akh, isma' al-Qur'an, écoute le Qur'an, et médite sur les versets d'Ar-Rahim Ar-Rahman. Allah Jalla wa Ala nous dit, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, wadhkur fil kitab. Mentionne dans le livre, c'est-à-dire mentionne dans le livre, ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Mentionne dans le livre Maryam lorsqu'elle se retira de sa famille dans un endroit vers l'Orient. En effet, Maryam se retira de sa famille dans un endroit vers l'Orient, et elle s'isola de sa famille et elle s'éloigna de son peuple afin de se consacrer à l'adoration de son Seigneur et afin de se consacrer à la soumission à son Créateur Jalla wa Ala. Car elle était une femme pieuse, car elle était une femme noble qui voulait adorer son Seigneur et qui voulait passer son temps dans l'adoration de son Seigneur Jalla wa Ala. Elle n'était pas comme la plupart des femmes de nos jours, malheureusement, Mar al-Asaf, qui passent leur temps à sortir de leur maison. Non, elle s'isolait afin de consacrer son temps à l'adoration d'Allah Jalla wa Ala. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ إِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. Mentionne dans le livre Maryam, lorsqu'elle se retira de sa famille dans un endroit vers l'Orient, et elle se retira alors à l'est de Bayt al-Maqdis, afin d'adorer son Seigneur Jalla wa Ala. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا. Elle mit entre elle et eux un voile. Elle mit entre elle et son peuple un voile, afin qu'elle se retrouve seule pour son Seigneur Jalla wa Ala. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. Elle mit entre elle et eux un voile, nous lui envoyâmes alors notre esprit. C'est-à-dire Jibril alayhi salam, nous lui envoyâmes alors notre esprit qui se présenta à elle sous l'apparence d'un homme parfait. Il se présenta alors à elle sous l'apparence d'un homme parfait, alors qu'elle s'est retirée, alors qu'elle s'est isolée, alors qu'elle s'est recueillie. Et il est interdit dans la religion de Banu Israël et dans notre religion également qu'une femme reste isolée avec un homme. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Nous lui envoyâmes alors notre esprit, c'est-à-dire Jibril, qui se présenta à elle sous l'apparence d'un homme parfait. Et alors, effrayée de se retrouver dans cette situation en face d'un homme seul, elle s'écria et elle invoqua son Seigneur et elle dit, قالت إني أعوذ بالرحمن. minka in kunta taqiya. Elle dit, je me réfugie auprès du tout miséricordieux contre toi si certes tu es pieux. Pourquoi? Car il m'est interdit de rester avec toi, car il m'est interdit de m'isoler avec toi. Et ainsi, elle employa l'attribut de la miséricorde. Qalat inni a'oudu birrahman. Je me réfugie auprès du tout miséricordieux. Et elle ne dit pas a'oudu bil aziz ou a'oudu bil jabbar. Je me réfugie auprès du tout puissant ou bien auprès du dominateur suprême. Là, elle dit a'oudu birrahman. Je me réfugie auprès du tout miséricordieux pour susciter la miséricorde d'Allah et pour susciter la miséricorde de cet homme. C'est-à-dire comme si qu'elle disait, pardonne ma faiblesse, et pardonne mon recueil, et pardonne ma solitude, et pardonne la situation dans laquelle je me trouve. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Je me réfugie auprès du tout miséricordieux contre toi, si certes tu es pieux, si certes tu crains Allah. Car il est interdit à toi de t'isoler avec moi, car tu n'es pas pour moi mon mari, et tu n'es pas mon frère pour moi, et tu n'es pas un mahram pour moi. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Et alors que fut la réponse de Jibril alayhi salam? قال أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Il lui dit, moi je suis en fait un envoyé de la part de mon Seigneur. Je suis en fait un envoyé de la part de ton Seigneur. Et je te suis venu afin de te faire un don d'un fils pur. Je te suis venu afin de te faire un don d'un enfant pur. Et alors, fut étonnée Mariam. Et elle se posa la question. Et elle lui dit alors, قالت أنى يكون لي غلام. Elle lui dit, comment pourrais-je avoir un enfant ? ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية. Alors qu'aucun homme ne m'a touché, et alors que je ne suis pas une prostituée, comment pourrais-je avoir un enfant? Et alors regardez comment Jibril alayhi salam lui prouva la perfection du pouvoir d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il lui dit, قال كذلك قال ربك هو علي هين. قال كذلك قال ربك هو علي هين. Il lui dit, ainsi soit-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقديا. Et afin que de cet enfant nous en fassions un signe pour les gens et une miséricorde de notre part, et c'est déjà une affaire décidée. C'est déjà une affaire décidée et c'est déjà un décret fixé par Allah tabaraka wa ta'ala. Et ainsi Jibril alayhi salam, par l'ordre d'Allah Jalla wa Ala, souffla dans le creux du manche de Mariam, se souffla là jusqu'à son vagin, et par l'ordre d'Allah Jalla wa Ala, Mariam tomba enceinte. Par l'ordre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, إِذَا أَرَادَ شَيْئًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Lorsqu'il veut une chose, il lui dit, sois et allez. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. Et c'est une affaire déjà décidée. Puis Allah Jalla wa Ala nous dit, فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Elle tomba alors enceinte de l'enfant. Et les savants et interprètes du Coran nous disent, elle tomba enceinte de l'enfant, et l'enfant resta 9 mois dans son ventre comme toute femme porte un enfant. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Elle s'éloigna avec dans un endroit éloigné. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. Les douleurs de l'enfantement l'emmenèrent vers le tronc du palmier. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا أو كنت نسيا منسيا. Elle dit, malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. Pourquoi elle dit cela? C'est comme si elle disait, que vais-je dire à Banu Israël? Que vais-je dire à mon peuple? Que vais-je dire à ma famille? Que vais-je dire à mes proches? Comment leur expliquer la venue de cet enfant? Comment leur expliquer l'arrivée de cet enfant? Comment m'innocenter devant eux? Comment leur prouver que je suis innocente? Comment leur prouver que je n'ai pas accompli d'actes mauvais? Comment leur prouver que je n'ai pas effectué d'actes de prostitution? Que vais-je leur dire? Et c'est pourquoi elle désira ne pas être vivante à cet instant et être totalement oubliée. Ya laytani mittu qabla hada wa kuntu nasyan mansiya. Malheur à moi que je fusse morte avant cet instant ou bien totalement oubliée. Et alors Allah Jalla wa Ala fit parler Isa alayhi salatu wassalam. Et certains savants ont dit que c'était Jibril, mais le plus favorable avis est que c'est Isa alayhi salatu wassalam. Allah nous dit, fanada min tahtiha. Il l'appela de dessous d'elle. فنادها من تحتها ألا تحزني. Ne t'afflige pas, ne t'attriste pas. ألا تحزني. قد جعل ربك تحتك سريا. Allah a placé une source à tes pieds, c'est-à-dire une source d'eau. قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. et secoue devant toi le tronc du palmier, des dattes mûres et fraîches tomberont à toi. Fakuli, washrabi, wakarri aina. Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Fa'imma tara'inna min al-bashari ahadan. Fakuli inni nadartu lirrahmani sawma, falan ukallima al-yawma insiya. Et si tu rencontres un être humain, dis-lui, assurément j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai aujourd'hui à aucun être humain. Et ces règles font partie de la religion de Banu Israël et elles ont été abrogées dans notre religion. Puis Allah Jalla wa Ala nous dit, فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. Elle revient auprès des siens en portant l'enfant. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. Et alors que, qu'est-ce que dit le peuple à Maryam? Il lui dit, قَالُوا يَا مَرْيَمْ. Il lui dit, يَا مَرْيَمْ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًا. Tu viens de faire une chose monstrueuse. Tu viens de faire une chose affreuse. Tu viens de commettre un délit atroce. لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًا يَا أُخْتَ هَارُونَ. Ô toi la sœur de Haroun, ô toi sa sœur, c'est-à-dire que Haroun est un prophète. Ya ukhta Haroun, ô toi la sœur de Haroun, dans ta consacration à ton Seigneur, dans ton adoration à ton Seigneur, dans ta piété et dans ta noblesse, et dans ton degré d'adoration. Ya ukhta Haroun, ma kana abuki imra'asaw, ton père n'était pas un homme de mal. Wa ma kanat ummuki bariya, et ta mère n'était pas une prostituée. Ainsi ils ont sous-entendu, et ils ont prétendu qu'elle avait fait et qu'elle avait commis un acte de prostitution. ما كانت أمك بغية. Et ta mère n'était pas une prostituée. فأشارت إليه. Elle fit signe alors vers l'enfant, car elle avait fait la promesse de ne parler à aucun être humain. فأشارت إليه. Elle fit signe vers l'enfant. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Il dit alors, regardez l'éloquence du Coran, il dit alors, comment parlerions-nous à un bébé dans le berceau? قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Comment parlerions-nous à un bébé dans le berceau? Et alors Allah tabaraka wa ta'ala innocenta Maryam et innocenta Isa alayhi salam et se défendit lui-même en faisant parler Isa alayhi salam et les premières paroles et les premiers propos qui sortirent de la bouche de Isa. Qala inni abdullah. Qala inni abdullah. Il lui dit, je suis le serviteur d'Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Il m'a donné le livre. Et il m'a désigné prophète. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Et il m'a rendu béni où que je sois. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. Et il m'a recommandé la prière ainsi que la zakat. مَا دُمْتُ حَيَّا. Tant que je vivrai. وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي. Ainsi que la bonté envers ma mère. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًا. Et il ne m'a fait ni violent ni malheureux. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Et que la paix soit sur moi le jour où je suis né, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Puis Allah Jalla wa Ala nous dit ذلك, tel, c'est-à-dire tous ces propos véridiques et toutes ces informations authentiques et tout ce récit et toute cette histoire. ذلك عيسى ابن مريم. تعالى عيسى ابن مريم قول الحق. La parole de la vérité, الذي فيه يمترون. La parole de la vérité sur laquelle ils doutent et sur laquelle ils polémiquent, cette parole que les gens remettent en cause et en question. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد. Il ne convient nullement à Allah de s'attribuer un enfant. ما كان لله أن يتخذ من ولد. سبحانه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. Gloire et pureté à lui, lorsqu'il veut une chose, il n'a qu'à lui dire soit yala. Wa inna Allah rabbi. Et là c'est Isa qui parle. Wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu. Et Allah est mon Seigneur, et le vôtre, adorez-le donc. Hada siratu mustaqim. Et tel est le droit chemin. Fakhtalafa al-ahzabu min baynihim. Puis les sectes s'égarèrent entre elles. Fawailu lilladhina kafaru min mashhadi yawmin azim. Et malheur à donc à ceux qui ont mécru à la vue d'un jour terrible. Jusqu'à la fin, et jusqu'à la fin des versets clairs et évidents, des versets extraordinaires de la part du Seigneur des cieux et de la terre. Ainsi, ayyuhal ikhwatul kiram, Isa ibn Maryam, Isa fils de Maryam est ainsi le serviteur d'Allah. Et il est ainsi un messager d'Allah parmi ses messagers et ses prophètes. Et il est en aucun cas le fils d'Allah ni l'enfant d'Allah, comme ont osé prétendre les gens, comme ont osé prétendre les gens du livre. Allah Jalla wa Ala nous dit, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Et ils ont prétendu et ils ont osé dire que le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. vous venez d'avancer une chose affreuse. Vous venez de dire quelque chose de terrible. Vous venez de dire une calomnie énorme. Vous venez de dire un grand mensonge. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا فَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. Peu s'en faut que les cieux ne s'entrouvent, et que la terre ne se fende, et que les montagnes s'écroulent à ces paroles. أَنْ دَعَوْ لِلْرَحْمَنِ وَلَدًا. Du fait qu'ils aient attribué à Allah un enfant. وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. Et il ne convient nullement à Allah de s'attribuer un enfant. إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا. Tout ce qui se trouve sur les cieux et dans la terre reviendront à son Seigneur en tant que serviteur. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا. Allah les a certes dénombrés et comptés. وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. Et tous se rendront à lui, c'est-à-dire à son Seigneur, le jour de la résurrection seul. Ainsi, Allah Jalla wa Ala a prouvé que ces gens sont dans l'erreur. Et Allah nous dit également, مَتَّخَدَ اللَّهُ مِنْ وَلَدْ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ. Allah ne s'est point attribué d'enfant. Et il n'y a aucune divinité avec lui. إِذَنْ لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقْ. Et si c'était le cas, toute divinité partirait et s'en irait avec ce qu'elle a créé. وَلَا عَلَى بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدُ. Et certaines divinités seraient supérieures à d'autres. فَسُبْحَانَ عَمَّا يَصِفُونَ. Gloire à Allah sur ce qu'ils lui décrivent. عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Le connaisseur du visible et de l'invisible, qu'il soit élevé de tout ce qui lui associe. Et Allah Jalla wa'ala nous dit également, إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ. عِيسَى auprès d'Allah est comparable à Adam. خَلَقَهُ مِنْ تُرَبْ. Il l'a créé à partir de poussière et de terre. ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Puis il lui dit, sois, et il fut. Et Allah nous dit également dans sourate Al-Ikhlas, Bismillahir Rahmanir Rahim, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dis, Allah est unique, Allah est impénétrable, il n'a pas engendré, et il n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Il a été rapporté dans le recueil de l'imam Al-Bukhari. Selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wasalam a dit, Allah a dit, Ibn Adam, le fils de Adam m'a traité de mensonge et il n'avait pas à le faire. Et le fils de Adam m'a injurié et insulté et il n'avait pas à le faire. Quant au fait qu'il m'ait démenti et m'ait traité de mensonge, c'est le fait qu'il ait dit, Allah ne me fera pas renaître alors comme il m'a créé. Allah ne me fera pas renaître comme il m'a créé. C'est-à-dire que le fils de Adam a nié la résurrection après la mort. Or, puis Allah dit, or, la première création n'est pas plus facile pour moi que son recommencement. Et quant au fait qu'il m'ait injurié et insulté, c'est le fait qu'il ait dit, Allah s'est attribué un enfant. Puis Allah dit, wa ana al-ahadu samad, lam alid wa lam ulad wa lam yakul li kufuwan ahad. Et moi je suis l'unique, l'impénétrable. Je n'ai pas engendré et je n'ai pas été engendré. Et rien n'est égal à moi. Et ayo al-ikhwatul kiram, celui qui a prétendu qu'Allah jalla wa ala a un enfant, et wallah, il insulte Allah d'une insulte grave et énorme. Et Allah jalla wa ala a jugé qu'il est mécréant. Allah jalla wa ala nous dit, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ. Allah a certes dit, sont devenus certes mécréants ceux qui disent qu'Allah est le Messie fils de Maryam. وقال المسيح, et le Messie a dit, يَا بَنُوا إِسْرَائِيلَ, ô bani Israël, اُعْبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ. Adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Certes, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui a interdit le paradis. فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ. Et son refuge sera le feu. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ. Et les injustes n'auront aucun secoureur. Puis Allah nous dit, وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ. Sont devenus certes mécréants ceux qui ont dit Allah est le troisième parmi les trois. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٍ. Et il n'y a de divinité qu'une seule divinité unique. وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ. Et s'ils ne cessent pas de dire ce qu'ils prétendent. لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Un douloureux châtiment touchera les mécréants parmi eux. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. Regardez comment Allah Jalla wa Ala est patient. Oh Allah, comme tu es patient. Oh Allah, comme tu es généreux. Oh Allah, comme tu es miséricordieux et pardonneur. malgré qu'ils aient insulté Allah, malgré qu'ils aient attribué à Allah un enfant, Allah Jalla wa Ala leur laisse ouverte la porte du repentir. Et il leur dit alors, en employant ces mots et ces propos qui incitent au repentir et qui poussent au repentir, أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ. Ne vont-ils pas se repentir à Allah et implorer son pardon pour avoir dit ce qu'ils ont dit et pour avoir prétendu ce qu'ils ont prétendu? أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ. Pourquoi se repentiraient-ils pas? Et pourquoi ne délaisseraient-ils pas cette calomnie? Pourquoi ne délaisseraient-ils pas cette énorme association et ce mensonge? أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ. Ne vont-ils pas se repentir à Allah et implorer son pardon? وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Puis Allah Jalla wa Ala nous dit, Mal Masih ibn Maryam, le Messie fils de Maryam, Mal Masih ibn Maryam, illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Le Messie fils de Maryam n'est qu'un messager qui a été envoyé comme ont été envoyés auparavant les prophètes et messagers. Wa ummuhu siddiqa, et sa mère est une véridique. Kana ya'kulani at-ta'am, il consommait de la nourriture. Anzur kayfa nubayyin lahum al-ayat, vois comme nous leur exposons les preuves. Thumma anzur anna yu'fakun, et vois comme ils s'en détournent. Qul at'abuduna min dunillahi ma la yamliku lakum darra wa la naf'a. Dis, ya Muhammad, dis-leur, adorez-vous en dehors d'Allah quelque chose qui ne vous nuit pas et qui ne vous fait pas du bien? Wallahu huwa as-sami'ul 'alim. Et Allah, c'est lui l'audient et l'omniscient. Ainsi, telle est notre aqida, telle est notre croyance profonde et notre dogme en ce qui concerne Isa ibn Maryam. Isa, fils de Maryam, alayhi salawatullahi wa salam, c'est un serviteur d'Allah et c'est son messager, et Allah l'a créé à partir de Maryam, son père. Et après toutes les preuves textuelles du Coran et de la Sunna, voici pour vous, ayyuhal ikhwa, une preuve rationnelle qui utilise la raison et la logique. Celui qui a créé Adam alayhi salam sans père ni mère, n'est-il pas capable de créer Isa sans père? N'est-il pas capable et n'est-il pas simple pour lui de créer Isa sans père? Et celui qui a créé la femme de Adam alayhi salam sans parents, n'est-il pas capable de créer Isa sans père? Ainsi même par la logique, nous prouvons cela, ayyuhal ikhwatul kiram. Isa est donc un serviteur d'Allah et son messager. Et sa mère, la pure Maryam, al-Batul, la vierge, celle qui a été insultée de fornicatrice, wal-iyadu billah. Par qui? Par le peuple des ennemis des prophètes et des meurtriers et des messagers. Cela ont mécru au Messie fils de Maryam. Ils ne croient pas en lui et ils ont traité ses propos de mensonges. Et ils l'ont considéré comme waladi zina, comme fils de fornication, wal-iyadu billah. Et ils ont dit à propos de sa mère ce qu'ils ont dit. Ils ont essayé de tuer Isa ibn Maryam, comme cela est dans leurs habitudes. Qu'Allah Jalla wa Ala nous dit, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاء. Cela, car ils mécroyaient au signe d'Allah et car ils tuaient et ils assassinaient les messagers. Ils ont été jaloux de Isa ibn Maryam et ils ont crié au mensonge et ils ont essayé de le tuer et ils ont accusé sa mère d'indécence et de fornication, wal-iyadu billah. Mais certes, Allah Jalla wa Ala s'est chargé d'innocenter Maryam et de défendre et de protéger Maryam dans son livre sacré Al-Qur'an Al-Karim, qui sera lu jusqu'au jour du jugement dernier. Il a ainsi loué maintes et maintes fois dans son livre. Allah nous dit, wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al-qanitin. Et de même Maryam, la fille de Imran, qui avait préservé sa virginité, nous y insufflâmes alors de notre esprit, et elle avait certes déclaré véridique les paroles de son Seigneur ainsi que ses livres, et elle fut parmi les dévoués. Allah nous dit également, وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Et celle, c'est-à-dire Maryam, et celle qui avait préservé sa chasteté, nous insufflâmes en elle un souffle de vie venant de nous, et nous en fîmes d'elle ainsi que son fils un signe pour l'univers. Et Allah nous dit également, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. Rappelle-toi, Allah nous dit, rappelle-toi quand les anges dirent, Ya Maryam, certes Allah t'a élu et purifié, et il t'a élu et choisi parmi les femmes de l'univers. Ô Maryam, obéis à ton Seigneur et prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Ainsi Allah Jalla wa Ala a innocenté Maryam. Elle a été ainsi préservée de la fornication et de l'indécence, et préservée de l'énormité et de la turpitude. Écoute ainsi, ayyuhal akh, le témoignage du défenseur de la vérité et de la meilleure des créatures, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, sont nombreux les hommes qui ont vu leur foi être complète. Mais parmi les femmes, seule Asiatu ibn Fir'aun, Asiatu bint Fir'aun, wa Maryam bint Imran, wa Khadija bint Khuwaylid. Et certes, le mérite de Aïcha par rapport à toutes les femmes, incomparable au mérite du plat de Thalid par rapport à tous les autres plats. Et le plat de Thalid est connu pour être un plat délicieux. Et le hadith est rapporté dans les deux recueils authentiques selon Abi Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu. Sa mère Maryam, la pure, l'a ainsi enfantée par l'ordre d'Allah azzawajal, et sa capacité, sa volonté et sa permission. Et lorsque Isa a été envoyé à Allah jalla wa ala, par quoi il commença son appel et son prêche en tant qu'annonciateur et avertisseur, il appela son peuple à Tawhid. L'unicité d'Allah jalla wa ala, et il leur dit, wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu. Et certes Allah est mon Seigneur et le vôtre, adorez-le donc. Hada siratu mustaqim. Et tel est le droit chemin. Et par ailleurs, Allah jalla wa ala l'a soutenu comme il soutient tous ses prophètes et messagers. Il l'a soutenu et il l'a raffermi. Et il l'a aidé par des miracles clairs et évidents. Et par des prodiges éblouissants et grandioses. Et Isa ibn Maryam, ayyuhal ikhwa, avait les pouvoirs et la capacité de guérir l'aveugle-né et le lépreux, bi'idnillah, par la permission d'Allah. Et Isa ibn Maryam avait la capacité de ressusciter les morts, bi'idnillah, par la permission d'Allah. Et Isa ibn Maryam avait la capacité de former avec de l'argile la figure d'un oiseau. Il soufflait dedans et il devenait un oiseau, bi'idnillah, azza wa jal. Allah jalla wa ala lui a ainsi donné ses pouvoirs et lui a accordé ses capacités. Pourquoi? Car il l'a envoyé à un peuple dans lequel, à l'époque de ce peuple, les progrès de la médecine étaient en avance. La médecine était avancée et les sciences médicinales étaient avancées. Et Allah jalla wa ala, parmi ses traditions, envoie ses prophètes à leur peuple en fonction des progrès dans leur peuple. Ainsi, il a envoyé Moussa alayhi salam à un peuple dans lequel la magie et la sorcellerie étaient évoluées. Et il a envoyé Isa alayhi salatu wa salam à un peuple dans lequel les progrès de la médecine étaient évolués. Et il a envoyé ainsi Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wa salam à un peuple dans lequel la poésie était évoluée. Naam, telle est la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais certes, le peuple des ennemis, des messagers et des meurtriers des prophètes, comme dans leurs habitudes, l'ont traité de menteur. Ont traité de menteur Isa ibn Maryam et se sont moqués de lui et se ressentirent et éprouvèrent de la jalousie envers lui. Et Isa se sentit alors contraint de voyager et de partir avec sa mère. Et ce peuple ne contenta pas de cela, mais il alla jusqu'à rencontrer le roi et le gouverneur de Damas. Ce peuple alla ainsi rencontrer le roi de Damas et lui dit, un homme qui était polythéiste et qui adorait les planètes Al-Kawakib. Il alla jusqu'à rencontrer ce roi de Damas. Et il dit alors qu'un homme est sorti de Jérusalem et qui éprouve les gens, en parlant de Isa ibn Maryam, il éprouve les gens et il égare les gens et il tente les gens et il désire les faire retourner contre toi. Et ceci est une parole dont nous sommes habitués, ayyuhal ikhwa. C'est la coutume des espions et c'est la coutume des ennemis d'Allah et c'est la coutume de ceux qui veulent obstruer le sentier d'Allah aux serviteurs. Ils veulent faire quoi? Ils veulent faire croire au roi et au gouverneur que les bienfaiteurs et que les savants et que les prêcheurs à Allah sont de mauvaises personnes et sont des personnes dangereuses. Et ainsi, ils créent un fossé et une séparation et une barrière entre les savants et entre les prêcheurs à Allah et entre les bienfaiteurs d'une part et les gouverneurs et les rois d'autre part. Afin que les rois et les gouverneurs pensent que les savants et les bienfaiteurs et les prêcheurs sont leur ennemi numéro un. Alors que wallahi, ce n'est pas le cas. Et wallahi, c'est tout le contraire. Et wallahi, les prêcheurs sincères et les savants œuvrant dans le bien ne veulent que du bien pour le pays et la population, en commençant par les gouverneurs. Et wallah, ils ne veulent pour les gouverneurs, les présidents et les ministres que leur bien dans la vie de ce bas monde et de l'au-delà. Mais c'est une parole dont nous sommes habitués. Et ils ont ainsi utilisé ces paroles afin de mettre en colère le roi de Damas, afin de mettre en colère le gouverneur de Dimash, et afin de le faire énerver. Et ils dirent alors qu'un homme est sorti de Jérusalem, en parlant de Isa, un homme est sorti de Jérusalem, il éprouve les gens, et il tente les gens, et il égare les gens. Et cela est comme a dit Fir'aun, la'natullahi alayhi, à propos de Moussa alayhi salam, wa qala Fir'aun, daruni aqtul Moussa liyad'u rabbah, inni akhafu ayyubaddila dinakum, aw yudhira fil ardi al-fasad. Allah nous dit, et Fir'aun a dit, laissez-moi tuer Moussa, et qu'il appelle son Seigneur, j'ai peur qu'il change votre religion, et qu'il se met et qu'il sème la corruption sur terre. Ainsi Pharaon a fait comme cela avec Moussa alayhi salam, et voilà comme font le peuple envers Isa alayhi salat wa salam. Voyez comment les choses tournent, ayyuhal ikhwatul kiram. Et ainsi le roi de Damas, lorsque l'information lui fut parvenue et lorsque ses propos lui furent parvenus, il ordonna au gouverneur de Jérusalem d'attraper cet homme, c'est-à-dire Isa, d'attraper cet homme et de le crucifier et de lui mettre des épines sur la tête. Ce gouverneur partit alors avec son armée et un groupe de ceux qui sont spécialisés dans le meurtre des prophètes et des messagers. Ils encerclèrent la maison où se trouvait Isa alayhi salat wa salam, et où se trouvaient également ses apôtres et ses compagnons. Falamma ahassa Isa minhum al-kufr. Et lorsque Isa sentit de leur part la mécréance, il comprit qu'il n'y avait aucune issue de secours. Et alors il se tourna vers ses compagnons et ses apôtres et il leur demanda: Qui d'entre vous désire prendre mon apparence et sera mon partenaire au paradis? Écoutez, ayyuhal ikhwa, qui d'entre vous désire prendre mon apparence et il sera mon partenaire au paradis? Et alors s'avança le plus jeune du groupe. S'avança un jeune, le plus jeune du groupe. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ce sont des jeunes qui ont cru à leur Seigneur et à qui nous leur avons donné de la guider. S'avança le plus jeune du groupe, ayyuhal ikhwa. Ne restera debout cette religion et ne sera victorieux l'islam que sur l'épaule d'Ashabab, que sur l'épaule des jeunes, ayyuhal ikhwatul kiram. S'avancera alors les jeunes, s'avança alors le jeune du groupe. Isa ne le prit pas au sérieux. Il demanda alors une deuxième fois, puis une troisième fois, jusqu'à ce qu'il se tourna vers lui et lui dit: ce sera toi. Et à ce moment-là, Allah alladhi ala kulli shay'in qadir, celui qui est capable de toutes choses, alladhi idha arada shay'an fa innama yaqulu lahu kun fayakun, celui qui lorsqu'il veut une chose dit soit et elle est, changea l'apparence de ce jeune homme en Isa, comme si que c'était lui exactement. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et c'est lui le capable de toutes choses. Puis le toit de la maison s'entrouvrit, telle une fenêtre. Allah Jalla wa Ala jeta le sommeil à Isa alayhi salat wa salam, et il fut élevé dans cet état. Et ceci est une version, la première, qui est rapportée par l'imam Ibn Kathir et d'autres savants dans son interprétation. Ou l'imam At-Tabari nous a dit une autre parole qu'il la trouve la plus probable. Il nous dit que Allah Jalla wa Ala a donné l'apparence de Isa à tous ses apôtres et tous ses compagnons, ce qui a été difficile alors pour le peuple de tuer Isa. Et c'est aussi également une autre parole, mais quelle que soit la parole la plus probable, ayyuhal ikhwa, ceci concorde et ceci équivaut à ce que nous dit Allah Jalla wa Ala dans son livre sacré, Al-Qur'an al-Karim. Allah nous dit, wa qawlihim, inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam Rasulallah. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué Isa ibn Maryam, le messager d'Allah. Et regardez la réponse d'Allah. Wa ma qataluhu wa ma salabu. Et ils ne l'ont pas tué, ni crucifié. Walakin shubbiha lahum. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Ce n'était que quelqu'un qui ressemblait à lui. Walakin shubbiha lahum. Wa inna alladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans la certitude. Ma lahum bihi min ilm. Ils n'ont aucune connaissance certaine. Illa tiba'a dhann. Ils ne font que suivre des pensées et des conjectures. Wa ma qataluhu yaqina. Et ils ne l'ont pas certainement tué. Bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Mais c'est Allah qui l'a élevé à lui. Wa kana Allahu azizan hakima. Et Allah est puissant et sage. Wa in min ahli al-kitab illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi. Et il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas en foi avant sa mort. C'est-à-dire qu'il y aura parmi eux des gens du livre qui auront foi avant la mort de Isa alayhi salam. Wa yawm al-qiyamati yakunu alayhim shahida. Et au jour de la résurrection, Isa sera un témoin contre les gens du livre. Voilà ce que nous dit Allah Jalla wa Ala à propos de l'histoire et du récit de Isa ibn Maryam. Et ainsi, un groupe des gens du livre croira en Isa avant sa mort. Allah l'a élevé à lui en le faisant dormir et étant vivant. Où cela? Où est-ce qu'il l'a élevé? Écoute, ayyuhal akh, Allah l'a élevé dans le second ciel. Et ceci ne vient pas de nous, mais de celui qui ne prononce rien sous l'effet de la passion, sallallahu alayhi wa sallam. As-sadiq al-masduq, alayhi salat wa salam, dans le hadith rapporté par l'imam muslim, selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salat wa salam nous dit dans son long hadith: puis on nous fit monter au deuxième ciel. Jibril alayhi salam demanda alors d'ouvrir. On lui dit alors, qui est là? Et cela prouve que les anges du ciel ne connaissent pas l'invisible. Ne connaissent pas le monde invisible, car s'ils connaissaient l'invisible, ils sauraient qui est-ce qu'il y aurait derrière la porte du ciel. On demanda, qui est là? Jibril alayhi salam répondit, Jibril. On lui dit, et qui est avec toi? Il répondit, Mohammed. Il dit, est-ce qu'il fut envoyé avec le message? Il dit, le message lui fut envoyé. Puis il nous ouvra alors. Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wa salam nous dit, je vis et j'aperçus alors les deux cousins, Isa ibn Maryam wa Yahya ibn Zakariya. Alayhima salawatullahi wa salam. Et sur notre prophète, afdalu salati wa aska taslim. Je vis et j'aperçus alors les deux cousins, Isa ibn Maryam wa Yahya ibn Zakariya. Puis Al-Habib al-Mustafa nous dit, ils me saluèrent et ils furent enchantés de me voir. Jusqu'à la fin du hadith. Al-Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit, Isa ibn Maryam se situe dans le deuxième ciel, alors qu'il est plus noble et qu'il est meilleur que Yusuf wa Haroun wa Idris alayhim salam. Et Yusuf wa Haroun wa Idris se trouvent dans des cieux plus élevés. Rahimahullah, Shaykh al-Islam nous dit, il se trouve dans le deuxième ciel, car il attend le moment où il descendra sur terre le jour de la résurrection. Puis il ajoute également, rahimahullah, wa Adam alayhi salam se trouve dans le premier ciel, sama ad-dunya, le ciel de ce bas monde, car les âmes de ses enfants passent par lui à leur mort. Et ceci est ainsi notre aqidah, ayu al-ikhwatul kiram. Ceci est notre croyance profonde à propos de Isa alayhi salatu wa salam. C'est un serviteur d'Allah et un messager, et il n'est pas mort, et il est toujours vivant, et il se trouve dans le deuxième ciel, et il vit selon l'ordre et le décret et la permission d'Allah Azza wa Jal. Al-Imam al-Nasa'i ou al-Imam ibn Abi Hatim nous disent dans une chaîne de transmission authentifiée par Al-Hafid ibn Kathir, selon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, il nous dit, puis le groupe de Isa se divisa en trois parties. Le premier groupe, lorsque Isa fut élevé, prétendit et osa dire, Allah était parmi nous le temps qu'il voulut, puis il remonta au ciel. Et ce groupe s'appelle Al-Ya'qubiyya. Le deuxième groupe osa dire, le fils d'Allah était parmi nous le temps que voulut Allah, puis il fut élevé au ciel. Et ce groupe s'appelle An-Nasturiyya. Et le troisième et dernier groupe a dit, le serviteur d'Allah et son messager étaient parmi nous le temps que voulut Allah, puis Allah l'éleva au ciel. Et ce groupe n'est autre qu'al muslimoun, al muwahidoun, al mu'minoun, les croyants, les musulmans et les monothéistes. Puis il nous rajoute Ibn Abbas radiallahu anhuma, ces deux groupes se mirent d'accord pour tuer et pour anéantir et pour faire disparaître le groupe musulman. Les deux groupes mécréants se mirent d'accord pour faire disparaître le groupe musulman, ce qui se passa et ce qu'ils firent. Puis Ibn Abbas radiallahu anhuma nous dit, puis l'islam fut éteint, l'islam disparut. Jusqu'à ce qu'Allah Jalla wa Ala envoya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam afin de renouveler cette religion. Ainsi tel est notre aqida, ayu al-ikhwatul kiram, et qu'Allah fasse miséricorde à l'imam ibn al-Qayyim qui nous a récité ces vers suivants. Aux adorateurs de la croix, nous avons une question. Nous voulons une réponse à celui qui la comprend. Si un dieu meurt à cause d'un peuple qui l'a tué, est-ce un dieu véritablement? Et c'est étonnant de voir une tombe renfermer un seigneur. Et encore plus étonnant, un ventre l'hébergeant. Il y resta 9 mois dans une obscurité, ne possédant que des menstrues comme aliment, et sortit alors de l'orifice génital un faible petit enfant, vers le sein de sa mère, sa bouche ouvrant. Il mange, puis il boit, puis il effectue ses besoins. Est-ce un dieu sincèrement? Alors toi, adorateur du Messie, réveille-toi. Ceci est son début et ceci est son achèvement. Allah est certes élevé au-dessus de la calomnie de ceux qui lui attribuèrent un enfant, et ils seront certes tous questionnés et jugés sur ce que l'on dément. أعباد الصليب لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه أقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حيد غذاه لدى الظلمات من حيد غذاه وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا لثدفاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك فهل هذا إله فيا عبد المسيح أفق هذا مبدأه وهذا ممتهاه تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه. تالي نطفع عقيدة أيها الإخوة الكرام à propos de Isa ibn Maryam alayhi salawatullahi wa salamuh, c'est un noble messager. Et sur ce que nous sommes tombés également dans les livres à propos des vertus de Isa alayhi salatu wa salam, ce que nous dit l'imam al-Dahabi, rahimahullahu ta'ala, dans son livre, il nous dit Isa ibn Maryam est un messager et c'est également un compagnon. Isa ibn Maryam est un compagnon et un messager. Soyez attentifs, ayo l'ikhwa. Isa ibn Maryam est un compagnon et un messager. Pourquoi ? Car il a rencontré le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans le deuxième ciel, étant vivant, croyant en lui, et il mourra sur cette croyance. Car le compagnon est celui qui se réunit avec le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qui croit en lui et qui meurt sur cette croyance. Et cela concorde avec Isa, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ce sera ainsi le dernier des compagnons de la communauté de Muhammad, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et certains savants ont dit de même, que Isa, alayhi sallam, a trouvé dans l'Injil, il a trouvé dans l'Évangile les vertus de la communauté de Muhammad alayhi salatu wa salam, et ainsi il invoqua Allah afin d'être parmi de cette communauté et Allah exauça sa demande. Et il les descendra alors vers la fin du monde, avant le jour du jugement dernier, afin qu'il refasse manifester l'islam et qu'il refasse ressortir cette religion et qu'il la refasse revivre. Et lorsque descendra Isa alayhi salam, et là nous voyons le mérite de la communauté de Muhammad alayhi salatu wa salam, lorsqu'il descendra alayhi salatu wa salam, il viendra prier derrière l'imam. Et ce ne sera pas lui qui guidera la prière. Écoute, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari ou l'imam muslim, selon Abi Qatadat al-Ansari radiallahu an, il dit, Kaifa bikum, imaginez-vous, Kaifa bikum, comment serez-vous lorsque Ibn Maryam, lorsque le fils de Maryam descendra chez vous et que l'imam sera l'un d'entre vous. Kaifa bikum, imaginez-vous lorsque Ibn Maryam descendra parmi vous et que l'imam sera l'un d'entre vous. Et dans un hadith rapporté par l'imam muslim, selon Jabir radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, il y aura toujours une partie de ma communauté qui combattra pour la vérité jusqu'au jour du jugement. Et Isa ibn Maryam descendra alors. Leur imam s'adressera à lui, c'est-à-dire l'imam des musulmans à cette époque, s'adressera à Isa en lui disant, Ta'ala salli bina, viens diriger la prière, Ta'ala salli bina. Et il répondra alors, non, vous vous dirigez la prière entre vous, un honneur de la part d'Allah pour cette communauté. Et dans les sunan de l'imam Ibn Majah, avec une chaîne de transmission authentique, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit, l'imam des croyants, c'est-à-dire le gouverneur des croyants, s'avancera pour diriger la prière du sobh. Et Isa ibn Maryam descendra au moment de la prière de l'aube. Lorsque l'imam ressentira sa présence, cet imam qui a pris les comportements de la part de Muhammad alayhi salatu wa salam, et qui sait qu'il est déconseillé de guider la prière alors qu'une meilleure personne est présente, car si un homme guide des gens dans une prière en présence d'une personne meilleure que lui, tout le monde sera voué à la perdition et l'égarement. Et il sait cela, et il connaît ce comportement. Il est un devoir ainsi aux croyants de mettre en avant le meilleur et le plus savant d'entre eux afin qu'ils les élèvent des plus hauts degrés auprès d'Allah et Azza wa Jal. Où sont les musulmans par rapport à cet ordre? Où sont les musulmans par rapport à ce comportement? Combien d'ignorants s'avancent afin de guider les musulmans, alors que derrière eux se trouvent des savants et des étudiants de sciences religieuses et des personnes ayant une culture et une science islamique plus grande et plus vaste que ces ignorants. Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wa salam nous dit, Isa ibn Maryam descendra à l'aube. Lorsque l'imam ressentira sa présence, il reculera. Isa ibn Maryam placera alors sa main entre ses deux épaules, entre les deux épaules de l'imam. Cet imam s'adressera à Isa et lui dira, Ta'ala salli bina, viens diriger la prière. C'est l'imam qui dira à Isa, Ta'ala salli bina. Et Isa lui répondra alors, toujours avec sa main entre ses deux épaules, non, avance-toi et guide la prière, car c'est pour toi qu'elle a été préparée. Et cet imam à ce moment-là, ayyuhal ikhwa, comme nous l'avons dit, n'est autre qu'El Mahdi al-Muntadhar, sur lequel nous avons parlé lors des derniers discours. Et la preuve en est ce que rapporte l'imam al-Hafidh, l'imam ibn Abi Usama, ainsi que Abu Nu'aym, dans les informations concernant Al-Mahdi, Al-Muntadhar, ou Ibn al-Qayyim également a dit dans son livre, sa chaîne de transmission est bonne et c'est un hadith authentique selon Jabir radiallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, Isa ibn Maryam descendra, leur émir, c'est-à-dire leur gouverneur, leur émir sera Al-Mahdi Al-Muntadhar. Il dira alors, Ta'ala salli bina, viens guider la prière. Isa répondra alors, non, il guide la prière les uns les autres, un honneur pour sa communauté. Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah dit, les informations concernant Al-Mahdi sont fréquentes et sont nombreuses sur le fait qu'il appartient à cette communauté, qu'Al-Mahdi Al-Muntadhar appartient à cette communauté, et sur le fait que Isa ibn Maryam priera derrière lui. Et si quelqu'un dit Comment peut-il se faire, comment cela peut-il se faire qu'un calife, qu'un gouverneur guide la prière en présence d'un prophète? Et parmi les cinq meilleurs des prophètes, écoute la raison et écoute la sagesse, ayyuha al-akh. Mentionné par le savant Al-Imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il nous dit la sagesse par rapport à cela. C'est-à-dire dans le fait que Isa prie ma'moum, guidé, et non imam, car s'il guidait la prière, il y aurait eu un souci et une ambiguïté, et on aurait pu se dire qu'il est arrivé avec de nouvelles prescriptions, et avec une nouvelle législation, et avec une nouvelle religion, et ainsi, afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté, et aucun doute, et aucune poussière à ce sujet, il priera ma'moum. Et Isa alayhi salam, ayyuha al-ikhwatul kiram, descendra à une époque difficile. Et à un moment où les musulmans se prépareront à en finir avec Al-Masih al-Dajjal, commandé par leur gouverneur Al-Mahdi al-Muntadhar alayhi salam, comme ceci a été cité dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique selon Jabir radiallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, les musulmans fuiront dans la montagne de Dukhan en Syrie. Al-Masih al-Dajjal les suivra alors. Il les encerclera et il les combattra avec dureté. Et Isa ibn Maryam descendra alors à l'aube. Puis il appellera les gens et en s'écriant, il leur dira « Ayyuhan nas, ne sortiriez-vous pas contre ce vil et ce menteur ?» Les gens croiront alors que c'est un djinn, que c'est un homme djinn. Ils le verront dans le ciel. Et alors lorsqu'ils partiront pour voir, ils verront que c'est Isa ibn Maryam qui est descendu. Alayhi salatu wa salam, il descendra alors à cette époque difficile afin d'en finir avec Al-Masih al-Dajjal. Et la descente de Isa est confirmée dans la sunnah, comme nous l'a dit le prophète alayhi salatu wa salam, dans un hadith rapporté par l'imam muslim. Selon Abi Hurayra radiallahu an, il nous dit, « Walladhi nafsi biyadih » Par celui qui détient mon âme dans sa main, « Walladhi nafsi biyadih » Le temps de la descente d'Ibn Maryam est proche, il sera juste, équitable, et il sera un roi droit. Le messager alayhi salatu wa salam jure par Allah, et il dit, « Walladhi nafsi biyadih » Par celui qui détient mon âme dans sa main, le temps de la descente de Isa ibn Maryam est proche, il sera juste et équitable. C'est-à-dire qu'il descendra avec les prescriptions d'Allah et Azza wa Jal, et il suivra l'islam, et il ne suivra pas une nouvelle religion et une nouvelle prescription. Walladhi nafsi biyadih, par celui qui détient mon âme dans sa main, le temps de la descente d'Ibn Maryam est proche, il sera juste, équitable et un roi droit. Quelles seront ses caractéristiques physiques, ayyuhal ikhwah? Et comment descendra-t-il? Et où descendra-t-il alayhi salawatullahi wa salam? Et comment tuera-t-il Al-Masih al-Dajjal? La réponse à ces questions, juste après la pause. Et en tenant ces propos, j'implore son pardon pour moi ainsi que pour vous. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wahdah. Wa salatu wa salamu ala man la nabiya ba'dah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أيها الإخوة الكرام le message d'Allah عليه الصلاة والسلام nous a certes décrit Isa ibn Maryam عليه السلام avec une grande description comme s'il avait vu de ses propres yeux. Sallallahu alayhi wa sallam, fa nas'alullaha jalla wa ala. Nous demandons ainsi à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il récompense son prophète de la meilleure des façons qu'Allah récompense ses prophètes et ses messagers. Mais avant de citer sa description, nous voudrions vous parler d'un point très important dans notre religion. Et très important, et ce point a été évoqué par les savants d'Ahli Sunnati wal Jama'a. Ceux-ci sont unanimes quant à la descente de Isa ibn Maryam. Et ne les contredisent que Al-Mu'tazila ou Al-Jahmiya et ceux qui pensent comme ces deux groupes égarés et falsificateurs. Sa descente, ayyuhal ikhwah, est un grand signe de la fin du monde. Et Allah nous en a parlé dans le Coran et il nous dit « Wa innahu la ilmun lissa'a » Et il sera un signe au sujet de l'heure. Et Ibn Abbas radiallahu anhuma nous dit également « Et c'est un grand signe de l'arrivée du jour du jugement. Il descendra ainsi inévitablement et il descendra ainsi inéluctablement. Et c'est une chose à laquelle il faut obligatoirement croire. Et c'est parmi les bases du dogme de Ahli Sunnati wal Jama'a. Ainsi, c'est un point important où il faut également obligatoirement croire. Quant à ses caractéristiques physiques, nous vous avons dit, ayyuhal ikhwah, que le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, nous l'a décrit d'une grande description, précise et détaillée, comme s'il le voyait de ses propres yeux. Écoutez ses preuves, ayyuhal ikhwah. Al-Imam Muslim rapporte dans un long hadith, selon An-Nawas ibn Sam'an radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il descendra, c'est-à-dire Al-Masih ibn Maryam, il descendra, et ainsi il va citer son endroit et ses caractéristiques, il descendra à l'endroit d'Al-Manarat al-Bayda, à l'endroit du minaret blanc, à l'est de Dimashq, à l'est de Damas, entre deux draps jaunes, et nous ferons l'explication de ce hadith, entre deux draps jaunes, en mettant ses deux poings sur les deux ailes de deux anges. Sa tête sera courbée et il laissera échapper des gouttes d'eau. Et lorsqu'elle se relèvera, ruisselleront des grains d'argent comme des perles. Ruisselleront des grains d'argent comme des perles. Et le mécréant qui respirera son haleine ne pourra que mourir. Et son haleine s'étendra jusqu'à son champ de vision. Alayhi salawatullahi wa salam. Wal Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous dit ainsi que Isa descendra à l'endroit d'Al-Manarat al-Bayda, au minaré blanc, à l'est de Damas, et les habitants de cette ville connaissent cet endroit. Il descendra entre deux draps jaunes, c'est-à-dire qu'il descendra habillé de jaune et de rouge. Comme ont dit les savants de l'interprétation, en mettant ses deux poings sur deux ailes de deux anges, la tête une fois baissée laissera échapper des gouttes d'eau, et une fois relevée, ruisselleront des grains d'argent comme des perles. Alayhi salat wa salam. Et les savants dirent, ceci est dû à sa grande pudeur. Wal Habib al-Mustafa nous dit dans le même hadith, un mécréant, le mécréant qui respirera son haleine ne pourra que mourir. Allahu Akbar, il ne pourra que mourir et son haleine s'étendra jusqu'à son champ de vision. Lorsque Isa parlera, son haleine sera tel le vent, et si un mécréant se trouve dans les alentours de son champ de vision, il ne pourra que mourir. Et avec ceci nous savons, comme l'ont dit les savants, qu'il ne restera à l'époque de Isa alayhi salam plus de mécréants, et à cette époque ils seront divisés en trois groupes. Un groupe croyant, croyant en Isa, qui suivra les prescriptions de l'islam, et qui croira et qui suivra Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wa salam, comme l'a dit Allah jalla wa ala, wa in min ahli al-kitab illa la yu'minanna bihi qabla mawti. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Ainsi, il y en aura qui auront foi avant sa mort. Le deuxième groupe seront des mécréants qui seront tués par Isa alayhi salam. Et le troisième groupe seront des mécréants qui mourront car ils auront respiré son haleine. Et ils ne pourront ainsi que mourir. Et le prophète alayhi salatu wasalam l'a décrit notamment lorsqu'il le vit dans son sommeil. Car on fit apercevoir et voir Isa alayhi salatu wasalam dans le sommeil du messager d'Allah alayhi salatu wasalam. Comme il a été rapporté par l'imam al-Bukhari. Et l'imam muslim selon Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma. Le messager d'Allah alayhi salatu wasalam dit, cette nuit, dans mon sommeil, je vis près de l'Kaaba, un homme avec une peau très belle. Les savants dirent que sa peau n'est ni trop claire, ni trop foncée, mais plutôt vers le rougeâtre. Et je vis que ses cheveux arrivaient jusqu'au bas de ses oreilles. Et c'est comme si sa tête laissait échapper des gouttes d'eau. Et ceci dans le sommeil du prophète alayhi salatu wasalam. Et le hadith est rapporté dans les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Puis il nous dit alayhi salatu wasalam, je le vis posant ses mains sur les épaules de deux hommes, faisant at-tawaf autour de Masjid al-Haram, autour de l'Kaaba. Et je demandais alors, qui est-ce? On me dit, huwa al-Masih ibn Maryam. C'est lui al-Masih, fils de Maryam. Et le prophète alayhi salatu wasalam le vit ainsi avec ses caractéristiques. Et il informa de plus dans les sunnens de l'imam Abu Daoud avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Huraira, radiallahu anhu. Il nous dit le prophète alayhi salatu wasalam, il n'y a pas de prophète entre lui et moi. Il n'y a pas de prophète entre Isa et le prophète alayhi salatu wasalam. Il n'y a pas de prophète entre le prophète alayhi salatu wasalam ou Isa ibn Maryam. Et soyez attentifs car il y a une secte qui s'appelle Al-Ahmadiyya. Cette secte est un groupe égaré qui prétend que le sceau de la prophétie n'est pas achevé, n'est pas terminé. Et ils ont nié la descente de Isa alayhi salam. Avec quoi prouvent-ils cela? Ils prouvent cela avec la preuve d'Allah Jalla wa Ala qui nous dit dans Surat al-Ahzab wa khatamun nabiyyin, en parlant du prophète alayhi salatu wa salam. Et il dit alors que le prophète alayhi salatu wa salam est le dernier des messagers et ainsi il ne peut pas avoir Isa alayhi salam. Il ne peut pas descendre. Et il s'appuie également comme preuve en disant, en s'appuyant sur la parole du prophète alayhi salatu wa salam, et il n'y a pas de prophètes après moi. Et ils ont ainsi nié la descente de Isa ibn Maryam. Mais nous affirmons, comme le dit l'imam al-Nawawi, rahmahullah, que ceci est une preuve caduque et non valable. Car lorsque Isa alayhi salam descendra, il ne descendra pas en tant que prophète. Il est un prophète. Il est un messager. Mais lorsqu'il descendra, il ne descendra pas afin de changer les règles de l'islam. Mais il descendra afin qu'Allah fasse renaître les prescriptions de Muhammad alayhi salatu wa salam et les fasse revivre et les fasse ressortir et manifester. Naam ayyuhal ikhwa, Et le prophète alayhi salat wa salam nous dit dans la version de l'imam Abu Daoud avec une chaîne de transmission authentique, selon Abi Huraira, il n'y a pas de prophète entre lui et moi. Et il descendra, c'est-à-dire Isa, et il descendra, si vous le voyez, sachez que c'est un homme ni long ni court, avec une peau rouge. Une peau rosâtre et rougeâtre. Et dans une autre version, le prophète alayhi salat wa salam, lorsqu'il l'a rencontré au ciel, nous dit, comme s'il sortait du hammam, comme s'il sortait de la douche. Cela nous prouve de la rougeur de son visage, alayhi salam. Un homme ni trop long ni trop court, rouge de peau. Et cela est la version de l'imam Abu Daoud. Et à la suite de cela, le prophète alayhi salat wa salam nous dit, il restera 40 années sur terre, puis il mourra et les musulmans prieront sur lui. Et le prophète alayhi salat wa salam le vit et nous informa qu'il était rouge de peau, aux épaules larges, à la poitrine large. Et il nous informa de plus, comme ceci a été rapporté par l'imam muslim, selon Abdullah ibn Amr radiallahu an, Allah enverra al-Masih ibn Maryam, ressemblant beaucoup à Urwat ibn Mas'ud radiallahu an. Voici ainsi ses caractéristiques physiques, ayyuhal ikhwa, qui furent citées par la meilleure des créatures, alladhi la yantiqu anil hawa, celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion, in huwa illa wahyu yuha, ce n'est qu'une révélation inspirée, as-sadiqul masdur, alayhi salawatullahi wa salamu. Par celui qui tient mon âme dans sa main, le temps de la descente d'Ibn Maryam est proche. Il sera juste et équitable et il sera un roi droit. Et dans une autre version, et l'argent sera débordant. Jusqu'à ce que personne ne l'accepte tellement ils seront riches. Jusqu'à ce que personne ne l'accepte tellement ils seront riches. Et à un point où la prosternation aura une valeur plus grande que toute cette vie et ce qu'elle détient. L'argent sera abondant au temps de Isa alayhi salatu wassalam. Ainsi que les biens, et il n'y aura plus de pauvres ni de nécessiteux. Et la prosternation aura une valeur plus importante que cette vie et tout ce qu'elle détient. Pourquoi ? Les savants, rahimahullah, nous disent, car les gens sauront alors et auront vu que Isa ibn Maryam est descendu. Et le jour du jugement arrivant juste après lui, ils seront alors occupés à penser à l'au-delà plus qu'à la vie présente. Car ce sera un grand signe de la fin du monde. Et ainsi leurs prières et leurs adorations se multiplieront. Et ils ne se tourneront pas vers ce bas monde, car ils n'en auront pas besoin. La dernière question, ayyuhal ikhwatul kiram, comment tuera-t-il al-Masih ad-Dajjal? Comment Isa alayhi salam va tuer al-Masih ad-Dajjal? Écoute, ayyuhal akh, et ceci est un bref résumé, et nous sommes désolés pour la longueur du discours. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit, et là nous allons rassembler les versions et les citer les unes après les autres, comme a fait Sheikh al-Albani rahimahullah dans son livre L'histoire d'al-Masih ad-Dajjal, nous allons les rassembler afin d'en tirer un maximum de profit. Bi'idhnillahi azza wa jalla, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, Al-Masih ad-Dajjal viendra à la montagne de Ilia. Il encerclera alors un groupe de musulmans. Les responsables de ces musulmans diront alors, pourquoi ne sortiriez-vous pas contre ce transgresseur afin de le combattre? Certes, soit vous irez auprès d'Allah, c'est-à-dire soit vous mourrez martyr, ou soit Allah amènera avec vous la victoire. Et ils décideront alors de le combattre le lendemain matin. Au moment où ils se prépareront les rangs, Al-Habib al-Mustafa nous dit, on s'apprêtera à accomplir la prière du Subh. On s'apprêtera à accomplir la prière de l'aube. Les gens prieront alors. Et Isa ibn Maryam descendra à ce moment-là et priera avec eux la prière de l'aube. Lorsqu'ils termineront la prière, Isa alayhi salam s'adressera aux musulmans et leur dira, ouvrez la porte. Ils ouvriront alors la porte. Ils tomberont alors sur Al-Masih ad-Dajjal. Accompagné de 70 000 personnes parmi les gens qui sont spécialisés dans le meurtre des assassins, dans le meurtre des messagers et les assassins des prophètes. Al-Masih ad-Dajjal sera accompagné de 70 000 de ces personnes. Et Isa ibn Maryam partira alors au combat avec sa lance. Lorsqu'Al-Masih ad-Dajjal apercevra Isa, alayhi salat wa salam, il fondra comme fond le sel dans l'eau. Il fondra comme fond le sel dans l'eau. Pourquoi? Car il verra Isa, alayhi salam. Et certes, le mécréant et le transgresseur ne peut que mourir lorsqu'il sent la naine de Isa alayhi salam. Ainsi, lorsqu'Al-Masih ad-Dajjal apercevra Isa alayhi salat wa salam, il ne pourra que mourir. Et ainsi, il fondra comme fond le sel dans l'eau. Puis, le prophète alayhi salat wa salam nous dit, et soyez attentifs, ayyuhal ikhwa, ce sont des hadiths authentiques, et il ne nous est pas autorisé de douter là-dessus. Car celui qui doute à propos de ces informations sort de l'islam, et sort de la religion d'Allah azza wa jalla. Et ce sont les paroles du véridique, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'Al-Masih ad-Dajjal sortira, il apercevra Isa alayhi salam, Al-Habib al-Mustafa alayhi salat wa salam nous dit, il fondra alors comme fond le sel dans l'eau. Et comme nous ont dit les savants, car il sentira la laine de Isa, Et c'est un mécréant et un transgresseur, le Messie Dajjal. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a dit, si Isa l'avait laissé, il aurait fondu jusqu'à périr. Si Isa l'avait laissé ainsi, il aurait fondu jusqu'à périr. Mais Allah Jalla wa Ala le tuera par la main de Isa et le frappera par la lance de Isa. Et dans une autre version, Isa s'adressera à Al-Mashiach Dajjal et lui dira, tu goûteras de ma part un coup que tu ne pourras jamais contrer. Il le frappera alors dans sa poitrine et le tuera. Et il montera alors sa lance pleine de sang aux musulmans. Allah Jalla wa Ala reposera ainsi les gens de l'épreuve d'Al-Mashiach Dajjal. Par qui? Par les mains de Isa, alayhi salawatullahi wa salam. Et les compagnons d'Al-Masih Dajjal se feront alors tuer par les musulmans, walillahi alhamdi wal minnah. Et Allah fera alors vivre les musulmans dans l'aisance et dans la vie agréable, comme nous le dit le prophète alayhi salat wa salam dans un hadith rapporté par l'imam muslim. Selon Abdullah ibn Amr radiallahu an, il dit sallallahu alayhi wa sallam, puis il restera après lui, c'est-à-dire après Al-Masih Dajjal, il restera après lui 7 années. Il n'y aura pas entre deux personnes de dispute. Il n'y aura pas entre deux personnes une querelle ou une dispute. L'argent sera alors abondant à un point où une personne sortira afin de donner sa zakat et il ne trouvera aucun preneur. Les dons et les aumônes seront multipliés en grand nombre. Et à ce moment-là, Allah Jalla wa Ala éprouvera Isa alayhi salam et il tentera Isa alayhi salam comme il le fait avec ses prophètes et ses messagers. Et il tentera et il éprouvera les musulmans avec lui d'une énorme catastrophe et d'un énorme trouble et d'une grande tentation qui est le troisième grand signe de la fin du monde. Ala wa huwa khuruj ya'juj wa ma'juj. Ce sera la sortie de Gog et Magog. Qui sont ces personnes? Et où sont-ils? Sortiront-ils véritablement? Et quelles sont les preuves à ce sujet? Et comment périront-ils? Les réponses à ces questions, ayyuhal ikhwa, seront traitées bi'idhnillah lors du prochain discours, lors de la semaine prochaine, si Allah Jalla wa Ala nous permet. Notre vie et notre rencontre. إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Et je tiens à préciser par la même occasion, أيها الإخوة الكرام, que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou omission ou oubli ne peut provenir que de moi ou de Shaitan. Et je tiens à évoquer, je tiens à demander à Allah Jalla wa Ala qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et qu'il accorde sa bénédiction à son noble messager, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses proches et à tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et notre dernière invocation, ayyuha al-ikhwa, que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. والحمد لله رب العالمين